Et donc vous pouvez rester, ça ne dure qu'une heure. Ce soir nous allons faire de la musique, nous allons créer une chanson. Alors on a porté des thèmes, on va les tirer au sort et on va créer. Et Ulysse et Leslie vont se présenter. Voilà, on écoute un petit peu de musique en attendant pour se préparer. Parce qu'ils viennent d'arriver et il pleut. Et voilà. Et voilà. Merci. Little girl with the press and curl. AJ, I got a Jerry curl. Third. Comme déjà dit, il y a Leslie, il y a Ulysse, il y a Charlotte, il y a Alexandre qui est nouveau. Et on va créer une chanson. Donc mélodie. En direct, mélodie, parole. Alors on a des thèmes, on a un tas de thèmes notés sur papier. On les met au milieu de la table. Voilà. Et on va tirer au sort. Qui tire au sort? Un huissier. Oui. J'appelle maître. Maître. Maître comment? Oh. Métro. Métro. Bon, allez Charlotte, tire au sort. On fait comment? On n'a qu'à procéder par élimination, je sais pas. On a dit que ce serait n'importe quoi ce soir. Qui est le plus jeune? Le plus jeune. Disons, t'as donné quel âge toi? Quel âge? Moi j'ai 21 ans. 21. 19. C'est bon, c'est toi. 19. Le pied. Mais je fais comment? Parce qu'il y a plusieurs thèmes par feuille. Bah après tu. Prends au hasard, voilà. Et après on décide. Fais comme ça vient. Tu t'as vachement fait comme cette émission. Requiem pour Toulouse. Pardon? Requiem? Ah, Requiem! C'est qui a écrit ça? On se le demande. Ah oui, oh là là. Mmh. C'est une bonne ode idée. À Toulouse. Surtout, non mais ça correspond bien. Vous êtes les successeurs, moi je m'en vais à Lyon. Et pour moi, Requiem pour Toulouse, c'est pas mal. Pour moi, personnellement, ça me plaît. Est-ce que ça convient à tout le monde? Est-ce que ça convient à tout le monde? Oui. Sérieusement? Pourquoi? Mais ça va pas être gay tout ça? Ça va pas être facile. Sinon, on peut en tirer un autre au sort et après on tire au sort. Voilà. Chacun tire un au sort. Déjà, ça fait une nomination. Ouais. Donc je pense qu'à la fin de l'heure, on aura choisi un thème. Voilà. À la fin de l'heure, on repoussera à l'heure prochaine la création. Voilà. La chanson, puis la musique. Allez. Quel barbare. Les péripéties du sandwich invendu. Pas mal. Je me disais que ça pouvait être intéressant, un sandwich invendu. Qu'est-ce qu'il pouvait devenir? Ouais. C'est intéressant. Oui. Mais si on fait pas de chanson, on peut toujours faire une émission sur lui, un jour. Je pense qu'il le mérite. Ulysse, Ulysse, à toi de tirer au sort. Hop. Au hasard. Je ne regarde pas. Ah, j'en ai presque tiré deux, je crois. La fille très belle mais très conne, ça s'appelle Bonne. Ouais. Ah, c'est un peu lourd. Oui. Pas facile non plus. Ça, ça ressemblait à Charlotte, ça. Ah non. Ah non. André? Quoi? C'est toi? Oui, ouais, c'est non, André, mais ça. C'est vrai, parce que les filles, on est là, oh, elle est belle, mais en fait, c'est une conne, donc une fille belle qui a pas de charme, elle est bonne, donc une fille bonne, c'est qu'elle a pas de charme, et voilà. Mm-hmm. Parce que c'est chiant. Très intéressant. C'est clair. Voilà. Ah, il y a un Larsen. Lupin? Désolé. Le jour où tout est parfait. Le jour où tout est parfait. C'est bien ce que tu as écrit, parfait. Qui? Parce que je disais parté, mais je comprenais pas. Oui, ça doit être un F, parfait, parce que parce que parté jour... à IT, ça marchait pas non mais plus. Ça... Ouais. Si, le jour. Il le jour partait. Où tout est parté. Ah oui. Donc. Ouais. On fait comment? Je sais pas. Excusez-moi. Alors? Alors? On a tous tiré un. Pourquoi y a-t-il toujours du monde à la poste? Allez, on les remet. Pourquoi y a-t-il toujours du monde à la poste? Mais c'est trop bon! J'étais tout à l'heure, j'ai... franchement, il y a fait 20 minutes quoi. Moi j'étais il y a 2 jours et j'avoue. Combien de temps? J'ai pas regardé tellement que c'était long. Oh là moi là. J'y suis allé, il y a plus de carnet de timbres. Franchement. Ah. Oh non. Ça peut être sympa. Après, tu vas au bureau de tabac. Certes. En fait, on avait dit qu'on retirerait dans les 5... 4, on est 4. Dans les 5 prix au hasard. Voilà. Dans ces cas-là, on oublie les Vélim alors. Donc on en enlève un à chaque fois. Oh, c'est dommage. Vous savez quoi? On va faire une chanson sur les Vélim. Allez, zou. On a bien fait de se creuser la tête pour trouver des thèmes. Hein. Non, mais c'est bien, on a vu que s'il y avait un peu dans la tête de chacun. Par contre, par curiosité, je vais finir de lire les autres questions. Vas-y. La vie de Jean, petit tabouret. Ah oui, la vie de Jean, le petit tabouret. Parce qu'un tabouret, ça peut servir à plein de choses. D'accord. Se taper sur la tête. J'ai pas mis qu'il y aurait une ambiance particulière ce soir. Et s'il y avait eu un 5ème set Il a perdu en 4-7, qu'est-ce que vous voulez y faire? S'il y avait eu un 5ème set, peut-être qu'il aurait gagné. Hein? Qui sait? Par le tennis? Bien vu. Ah, c'est déjà écart. Quoi? C'est déjà écart. Non, non, là, il vient de perdre la demi-finale. Là. Bon, c'est pas grave. Unis, c'est ton thème? Possible. Les célibes en vélib? Ouais. Les célibes en vélib. Ah ouais, ah ouais. On va trouver le titre. Avec des petites rimes. Alors. Va falloir... Ensuite, nous avions Toulouse. Toulouse. Mmh. Le Tibet. Oh là là, c'est toi ça. On avait parlé hier. Les voyages. Et la télévision. La télévision. Je suis sûr qu'on est d'accord pour une chanson tous ensemble. D'accord. Je suis sûr qu'il y en a on une. On va sortir les instruments. Ouais, ouais. Alors, on a quoi comme instrument ce soir? On a une... Guitare. Et... Des maracas. Non. Oui. Ouh, y'a bien. Maracas, qui va jouer des maracas? Mais moi. J'avais un triangle chez moi, j'ai laissé à la maison. Non, parce que... Après, on a... Et un piano-flûte. Un piano-flûte. Un piano-flûte, attends. Personne ne sait en jouer, toi. Ça. Ouais, non, mais ça coûte rien d'essayer. Oui, on va essayer. Bonne initiative. Wow. Et très joli piano flûte. Alors, fais-nous voir le son, ouais, écouter le son. Merci Ulysse. Merci. Une petite gamme. Parce que Ulysse joue la guitare sinon. Voilà. Non. Wow. Voilà, et donc une guitare. Il ne devait pas avoir deux guitares? Oui, il devait y avoir deux guitaristes. Il devait y avoir deux guitaristes. Marc et... Mario. Voilà. Mario, bonsoir. Donc le thème de la chanson? Sinon, on fait un maracas chacun. Oh là, oh là, il va y avoir des problèmes de coordination. Je crois, oui. Oui. Alors, c'était quoi le thème au fait? Parce que pas, on a qu'à tirer au sort. Moi ce soir je suis plus présentateur, déjà j'étais à moitié avant. C'est pas faux. Donc c'est pas moi qui dirige. Hein. Il faut un chef d'orchestre. Il faut pas un chef d'orchestre. Alexandre? Oui. Quoi? Alexandre me dit quelque chose. Et quand on aura choisi vraiment la chanson, on pourra commencer. Sans rire. Allez, s'il vous plaît, à l'unanimité. On reste sur les Vélib. D'accord. Les Vélib. Très bien. Alors on a du papier. Oh là. Enfin, des post-it. Stylo. Des post-it. Des partitions, regarde. Des partitions post-it. Donc c'est qui va noter? Toi, t'as le stylo. Je peux le faire passer. Il s'en a un aussi. Non. D'accord. On peut parler de vous, puisque si on vous entend l'an prochain, si vous présentez l'émission, si vous occupez de l'émission l'an prochain un petit peu, ou beaucoup, ce serait bien qu'on vous connaisse. Si vous avez envie, si vous voulez rester mystérieux, il n'y a pas de problème. Hein. Vas-y, commence. Moi, l'anonymat me va très bien. Ok. Tu t'appelles Leslie. Non, donc voilà, je m'appelle Leslie, j'ai 19 ans. Je travaille dans l'immobilier. Oui. Ça fait très site de rencontre. C'est vrai, carrément, ouais. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas obligatoire. Hein. Grosso modo, ce que tu aimes écouter comme musique, que tu serais susceptible de diffuser. Moi, j'aime bien tout, donc ça passe vraiment par tous les styles de musique. Mais tu m'as dit, pas ce qui passe comme des bourrins à la radio, là. Oui, je suis pas très commerciale, en fait. Voilà. Et ça, c'était bien. Enfin, c'était intéressant pour Indiesis. Ça correspondait. Formidable. Voilà. Et toi, Ulysse? À mon tour, ben, bonsoir, ouais. Ulysse, 21 ans, célibataire. D'où les célibes, les vélibes, les célibes en vélib. Célibes en vélib. Et bon, pareil, moi, j'écoute pas trop ce qui est commercial, mais après, sinon, très ouvert en musique. Ouais. Et je fais d'ailleurs moi-même un peu de musique électronique, mais bon. Ouais. Comme tout le monde. Tu t'auto-diffuseras. Non, pas moi. En tant que débutant. En tant que débutant. Et vous faites, tu fais quelque chose qui a un rapport avec la conception, par exemple ? Oui. De la musique, il vient de te le dire. Je fais de la musique. À part de la musique ? Ah, non, non, non. T'es projet de l'an prochain. Ah, je vais commencer une école d'architecture. Eh bien, voilà. On y vient. On y vient. Voilà. Voilà, voilà. En octobre. Ça y est, c'est dit. Ça y est. Voilà, vous êtes présenté un peu plus. Mm-hmm. On devait pas faire une chanson ? Oui, on fait une chanson. D'accord. Alors, le titre, c'est Les Célibes en Vélib, apparemment. Les Célibes en Vélib. Mm-hmm. En rime. En rime ? En rime. Alors, oui, on fait en rime. Il faut nous des règles bien, bien précises, sinon on va jamais s'en sortir. Combien de couplets ? Combien de couplets ? Ça, on verra. Je pense à deux, on sera déjà mort. Vous trouvez la mélodie, déjà ? Déjà, on a les deux premières phrases. On commence par les paroles. Voilà. Il ça, faut... c'est la grande question. Alors... Une mélodie assez gaie ou assez triste ? Même si la mélodie est triste, ça peut faire une chanson humoristique. Et vice-versa. En même temps, et vice-versa. Mm-hmm. Enfin, non, dans l'autre sens, c'est un peu plus difficile, je trouve. Mais bon. Oh non, c'est encore mieux. D'accord. Mm. Oui, mais toi, t'es très très ironique. C'est vrai. Je suis navrée. Enfin, tout est relatif. Voilà, quand tu dis je suis navrée, c'est ironique. Mm. Non. Bon. Alors, voilà, c'était prévu. C'était prévu qu'on allait mettre de la musique. Allez, Charlotte, trouve une première phrase. Donc, les célibes. En vélib. En vélib. Est-ce que c'est la première phrase ou c'est le titre ? À mon avis, la. Peut-être à mon que ça peut être la première phrase oui, et le titre. Oui, pour intégrer. Tout à fait. Parce que sinon, je vois pas du tout par quoi commencer. Même formidable. Et écoutez, moi, parce je propose qu'on mette ça à toutes les phrases, à tout le refrain, partout. Il est déjà 20. Une mélodie. Et tu chantes les célibes en ouais. Vélib. Alors, si vous voulez un rythme particulier, vous le faites. Passe-moi Maracas. Maracas. Non, mais je passe les deux. Non, chacun un samba. Mais on ne sera pas coordonné comme il dit. Ah oui, parce qu'il faut savoir tu en fait. Toute la semaine, j'ai cherché des invités pour cette émission, mais aucun n'a pu venir. Ils montent tous à Paris, ils vont à des festivals, donc voilà. Mm-hmm. On en est à concevoir des chansons en direct. Quoi. Voilà, voilà. Mm-hmm. Mais on a failli faire un bac. Et il est déjà 20. Oui, au pire, on fait le bac, ouais. Ouais, ouais. Non, non, non. Je pense qu'on est bien lancé. Ils ont échappé à la rediff. Et de toute façon, vu qu'aucune parole nous vient là. On va, comme au jeu du bac, on va faire défiler des lettres. Ouh. On va s'arrêter sur cette lettre et ce sera la première lettre de la phrase, du premier mot. Ah ouais, d'accord. Du vers. Mon Dieu. Voilà, comme ça on sera contraint de faire une phrase avec. Comme ça on n'aura pas honte du fait que ce soit ridicule. Bon concept. Parce que ça aurait été une contrainte. Voilà. Non, je vous laisse commencer. C'est bien. Non, il devait trouver une mélodie ou quelque chose. Oui, alors elle devait faire un petit rythme. D'accord. T'es prête ? Allez, go. Un jour. On fait des cigales. Vous arrêtez pas ! C'est les cigales, c'est sûr. J'ai dit, il faut que tu prennes les deux, sinon ce sera. Ouais, t'as raison. Mais si je fais les deux maracas, tu fais le piano flûte. Ah non, non, non, non. Mais Charlotte ? Non, non, c'est vrai. Mais on a déjà fait des émissions inutiles, hein. Mais là, ça dépasse toutes les autres. Allez, soyons sérieux un peu. Je pense qu'on peut y arriver. Mais il faut préciser que c'est pas tout le temps comme ça. Non. Maki, tu penses que quelqu'un nous écoute, là ? Non, sérieusement. Tu penses non, que quelqu'un nous écoute ? Ulysse peut... Quoique non, Ulysse a écouté d'autres émissions sur le site. Je l'ai Ah oui, la semaine dernière, il y avait Didier Turios. C'était pas mal. il a voyagé, hein, tout c'est ça. C'est peut-être pas ah, ça oui, qu'il oui, a écouté. C'est... Oui. C'est sûr, il a écouté hier. Voilà, exactement, ouais, ouais. Sinon, après, je vois pas. Bon, moi. Je suis pas très bien accordé. Mais ça me suffit. Deux, c'est trop difficile. On aurait dû faire venir des vrais musiciens, en fait. Ah, ça aurait été un peu plus chiant, ça. On est en sol majeur, là. Désaccordé, mais sol majeur. Allez, dis une lettre entre A et A et oui, non, Fa, Sol, La, Si, Fa, Sol, G. A, G, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Entre A et G. Le E. E, mi. Voilà, c'est vous en fait qui allez faire la mélodie. Là, c'est mi. Donc j'étais en sol, donc ça fait... Chanson sans parole. Chanson sans parole. Chanson sans parole. Chanson sans parole. Sans parole. Voilà. Bon, on a qu'à dire qu'on fait comme ça. Bon, au moins on changera après, on changera. Vous direz une autre lettre entre A et G et on fera un autre accord. Même si ça sonne pas, on sera comme ça. Allez, il faut des paroles. Des paroles. Des paroles, s'il vous plaît. Allez, une lettre. Charlotte, fais défiler dans ta tête. J'y stop, une lettre. Dans le... Non. Comme tu veux. D'accord. X. Ah ouais, d'accord. Ah, oui. D. Ouais, D, c'est mieux, merci. D, allez, un mot en D. Dormir. Dormir. Voilà. Non, pédaler. P, très bien. Allez, elle est lancée, Charlotte. Il faut que ça ait un rapport avec les vélos. Voilà, bah, elle est lancée, Charlotte. Elle est lancée, merci. Après, pédaler, vas-y, fais les paroles. Pédaler. Je n'en sais rien. Merci. Pédaler sans s'arrêter. Sans s'arrêter. Ah ouais, ben voilà. Ouais. Du coup, c'est moi qui écris. Pédaler sans s'arrêter, c'est pas pratique pour draguer. C'est pas pratique pour draguer. D'où les célibes en vélib. Tic pour... Draguer. Allez, ça commence à prendre forme, on va dire ça. Elle est désaccordée. C'est pas moi qui chante, hein, je suis désolé. Je connais pas encore les paroles. Elles sont là, regarde. Tu t'es fait avoir. Non mais on va chanter à plusieurs. Si vous voulez, j'ai l'air de copier sur un petit papier. Mais on a quand même, regardez, on a 4 moniteurs. Ouais. Parce qu'on est suréquipés, c'est mieux que Radio France. Donc ça défile, ça. Ça défile. Ça défile. Ah, on a un SMS du... Votre chanson est à chier. C'est Merci. Pas sympa. Roger du 44, c'est pas sympa. Pédaler sans s'arrêter, c'est pratique pour draguer. Les célibes en célibes. Ouais. Allez, on met d'autres accords, sinon on va s'ennuyer après. Faut complexifier. Ouais, bravo, bien. J'aurais pas osé, non. C'est bon, ça. C'est le titre. Mais c'est. Ah. Bien. Chacun a une phrase à dire, c'est ça? Ouais, sinon on pourra tous chanter une phrase chacun à la fin. Il nous reste plus qu'une demi-heure. Bon, c'est faisable, hein. C'est faisable? Mais franchement, oui. Allez, un petit sprint, on se dépêche. En plus, il y a du monde dans le couloir. La Grèce sans musique, Kalispera. Ça... Il pourrait peut-être nous aider, je sais pas. Ah ouais, va les chercher. Non. Alors, une lettre. Alors déjà, G, E... À toi. Pardon. F, fa, toi. Je dois choisir un mot par F. Non, une lettre qui une lettre entre A et G. C. C, do. On va voir ce que ça donne cet enchaînement. Je suis très très désaccordé. Extrêmement. J'ai jamais été aussi désaccordé. Donc, travaillez en ce moment entre vous là. Ah oui, travaillez. D'accord, en fait. Allez. Donc, nous étions à pédaler sans s'arrêter, c'est pas pratique pour draguer. Il faut trouver l'enchaînement là. Donc, On a la radio, hein. Le silence, ça passe pas très bien. Moi je trouve, au contraire. Non, j'aime bien, franchement. Sur pédaler sans s'arrêter. C'est plus long que sur France Culture, les silences. C'est... Radio Présence. Radio Présence. Ah non, non, ils sont doués sur Présence. Hein. Ils sont présents. Oui. Donc. Ah, téléphone. Un téléphone. Tout à fait. Je me demande s'ils n'ont pas des idées de parole ou quelque chose. Ah oui, appelez au 05 61, non, 05, écoute de tête, 05 62. Mais appelez en tout cas. Hein. 05 62 27 23 23, Radio Mon Pays, émission Inizésis, si vous avez des idées, contactez-nous au 05 62 27 23 23. C'est gratuit si vous avez une box. Ah ouais. Oui, ou un forfait Millennium, ou... Tout ce qui est gratuit sur les fixes. Voilà. En gros. Et pendant ce temps-là, il accordait sa guitare. Non, pendant ce temps-là, vous cherchez des paroles. Accorde ta guitare. Non, mais... Oui, on cherche. Mais... Donc, Donc. C'est quoi le dernier mot, s'il te plaît? Draguer. Draguer. Et c'est quoi le début de la phrase? Pédaler. C'est pas facile pour draguer? C'est pratique pour draguer. Non, c'est pratique pour draguer. Ah. Il y a téléphone qui sonne. On a oublié un peu. C'est vrai? Sérieux? réponds, vite. Non, mais c'est le nouveau réalisateur. Va. Je vais pas expliquer comment transférer les appels. Va à Courvol et nous voir. Auditeur, attends, j'arrive, je viens de crocher. C'est Mathieu. C'est quelqu'un qu'on connaît. Je pense, oui. Donc. Donc, une suite. Le téléphone est loin. Bon, Leslie, t'as des idées un peu là pour les paroles? On peut pas écouter nous ce qu'il se raconte? Si tu as... Non, on peut pas. Non, en fait, non, on peut pas. Mais je crois qu'il va passer à l'antenne. C'est formidable. Quelqu'un va nous sortir de ce pétrin. Si quelqu'un a des idées, qu'il n'hésite pas à appeler. Surtout, ouais. Continuons sur le champ lexical du vélo. Alors... Tout à fait, alors qu'est-ce qu'on a avec vélo? Freiner. Bien. Freiner. Vitesse. Donc pédaler sans s'arrêter, c'est pas pratique pour draguer. Il faut donc freiner en évitant de se ramasser. Tout à fait. Ouais. Formidable. C'est pas mal. Note, vas-y. Stylo. Donc on a dit... Il faut donc freiner en évitant de se ramasser. Je pense qu'on tient quelque chose là. Le prochain tube. Tout à fait. On va faire un tabac. C'est sûr. Il y a un problème avec le téléphone. Oui. Quelqu'un nous a raccroché au nez. Je pense qu'ils ont entendu la dernière phrase qu'on vient de créer en fait et ils nous ont raccroché au nez. Ah, vous nous avez déçu là. Au revoir. Désolé. C'est quoi le numéro en fait? 05 62 23 23 quelque chose 27, non, je sais plus. Qu'est-ce qu'il a dit? Oula. Il y a plein de chiffres en tout cas. Et un 10. Il y avait un 10. Donc la chanson, on en est où là? Tu peux nous relire le texte s'il te plaît? Parce que tout le monde va s'endormir. Pédaler sans s'arrêter, c'est pas pratique pour draguer. Il faut donc freiner en essayant de ne pas se ramasser. D'accord. En évitant de se ramasser. En évitant de se Ou ramasser. En essayant de ne pas se ramasser. Tout dépend de combien de pieds on veut à notre Alexandre. Ouais, voilà, exactement. Enfin, non, Alexandre, c'est 12 pieds, donc, français. Oui, là je suis à l'antenne. Oui. Y a un problème avec le téléphone. J'ai cru que t'allais annoncer le décès de quelqu'un, personnellement. C'est formidable, nous on a trouvé... Tu peux nous redire le numéro de téléphone, s'il te plaît? 05 62 27 23 24. D'accord, il est même pas sûr. 27, non, mais 23, c'est soit 23, soit 24 à la fin, c'est pareil. Ok. On est dans l'annuaire. Chouette! Bien. Trouvons la suite maintenant. Il faut... Trouvons le refrain. Ça serait bien de trouver un refrain. Sauf si on répète laisser libre en vélib, laisser libre en vélib, laisser libre en vélib. Tout à fait. C'est un peu lassant quand même. C'était qui? Je sais pas. C'était quelqu'un qu'on connaissait pas du tout. Et qui voulait nous aider? Ouais, elle voulait nous aider. Oh dingue. Mais je sais pas, le téléphone, il y a eu souci. Oh. Et ça a fini. Comme Epson, tu l'écoutes. J'y parlais, elle m'entendait pas. Faudrait qu'elle rappelle, oui. On attend son appel, hein. S'il vous plaît. Mais j'ai peur de replanter. On a trouvé une autre phrase. S'il vous plaît. Ah ouais, cool. Alors? Youhou. Pédaler sans s'arrêter, c'est pratique pour draguer. Non, c'est pas pratique pour draguer. C'est pas pratique pour draguer. Il faut. Ça sent le vécu. Il faut. Non, je ne prends pas le vélo. Il faut quoi? Donc. Il faut donc freiner. En essayant de ne pas. se ramasser. Se ramasser. En fait, il y a deux versions. Ah, ou en évitant de se ramasser. Voilà. Ah ouais, ouais. On est plus agréable, plus musical. Ouais. On essaie avec des accords. Allez. Mais toujours. C'est pas moi qui chante ce soir. Moi non plus. Allez, si. Moi j'ai non, mais moi, non mais moi quand je dis que je chante mal, je chante mal. Et j'ai toussé, Non mais moi je peux fredonner limite. C'est pas grave, tu chantes mal, on garde les paroles, Mais sinon pour moi on chante pas tous ensemble quoi. Voilà. 1, 2, 3. Il y a personne qui commence. Personne veut les paroles. Parce que personne connaît les paroles. Et donc on le fait en essayant ou en évitant? En évitant. Ouais, t'as bien eu ici tout à l'heure. Pédaler sans s'arrêter, c'est pas pratique pour draguer. Ah ouais. Faut donc freiner, en évitant de se ramasser. Et voilà, après c'était allé, c'est juste en Vélib. Ah, le téléphone. Ah, on nous rappelle. Mais faites trouver une autre phrase quand même. Je peux essayer là, guitare. Ouais. Je vais vous faire une notion par contre. Ah. Oups. Sauf que dans tes gauchères. Ben ouais. Nous venons d'apprendre quelque chose sur Leslie, elle est gauchère. Je dédicace à tous les gens qui me reconnaîtront. En espérant qu'il n'y en ait pas. Vous avez reconnu? Oui. C'était la cucaracha, non? Non mais tu sais, fais des maracas, accompagne-moi. Ça passera mieux. Oui, maracas. Moi aussi. Faut trouver des paroles aussi en même temps. C'est assez dramatique quand même ce qui se passe ici. Donc, continuons. Donc, les paroles. Mm-hmm. Il faut trouver autre chose en rapport avec le vélo. N'est-ce pas? Avec le Vélib aussi. Ce n'est pas qu'un vélo, c'est aussi toute une installation absolument formidable. Pourquoi les Vélib à Paris, ils marchent la nuit et pas à Toulouse? C'est vrai! C'est une bonne question. C'est vrai ça. Ce soir, débat sur une visite. Non, je ne sais pas, mais ma guitare est en équilibre. Instable? Non, ça va. Ouais, c'est vrai, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qui s'est passé alors encore une fois au téléphone? Je sais pas, je fais transfert, il me refuse le transfert. Oh, le petit bâtard. Alors voilà, ça... Oui, t'as raison sur les Vélib à Paris. Ouais. Et si j'ai su cette information, c'est grâce à Ulysse. Effectivement. Bravo Ulysse. Qui a vécu un an. Parce que moi, en fait, une fois, j'ai voulu prendre des Vélib, et je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, on vous prend 150€ et vous êtes remboursé deux jours plus tard. Pour la caution. Non. Je sais pas si c'est vrai, mais ça m'a démotivé après. On m'a déjà dit ça aussi. Non, il faut que ta carte t'accepte, mais ils te les prennent pas. Ah, quelqu'un réessaye. Alors, auditeur, auditrice, c'est bien sympa d'appeler, mais le transfert, il fonctionne pas. Je sais pas ce qui se passe. Eh bien, que Alexandre le transmette. Ouais, non, j'en avais fait toute la nuit du Vélib, il m'a pas. Ah ouais. Il n'y a pas eu de transaction. Il n'y a pas eu de transaction. Ah ouais, non, une nuit que j'ai fait à Paris, j'ai fait du Vélib et tout. Je me suis retrouvé à la gare et. C'était spécial. Ah, les gares, j'ai croisé des gars, des Bretons. Ouais. Ils s'étaient garés le soir, donc parking souterrain, et ils arrivaient à 1h du matin, c'était fermé. Ils étaient obligés de rôder jusqu'à 5-6 heures. Ils m'ont dit, ouais, nous, on veut trouver des filles, tu peux nous accompagner. Je suis accompagné, de toute façon, l'histoire c'était de rôder, de suivre les gens, tout ça, d'être avec. De vivre Paris pleinement la nuit. Quelle aventure. Mais tu sais, je peux faire du vélo avec les gens qui font du roller le vendredi soir ou je sais pas quand. À Toulouse? Oui. Ouais. Et il y a un bourrin, ça fonctionnait pas sa carte, il a tiré le Vélib, tiré, il est venu et il s'est retrouvé embarqué par la BAC. Parce qu'il se promenait avec un Vélib volé. C'est cadeau. Voilà. Mm-hmm. Contrôle. Tout ça pour. Essayons d'insérer cette histoire à notre chanson, je crois que ça va être formidable. Voilà. Et ce Breton. Qu'est-ce qu'il était con. Ok, si tu veux. C'est un bon refrain, je trouve. T'entends pas dedans? C'est dommage parce que franchement, pour une fois, quelqu'un appelle quand on dit appelez-nous. T'entends quoi? Ce qui est à l'antenne. Tiens. Oui, bah, c'est journée découverte pour vous. Et oui. Voilà. Regarde, là tu m'entends. Oui, je t'entends. Et là t'entends la guitare. Ouais. Charlotte parle. Parle. Tu vois, là t'entends Charlotte. Ah, mais c'est super. C'est beau les premiers. Alors que le téléphone ne marche toujours pas, je ne sais pas. Il faut faire 23 ou 24 à la fin alors. D'accord. C'est pareil. Alors, on en est où? C'est pas pareil. Alors, récapitulatif, parole. Alors, ça commence. Pédaler sans s'arrêter, c'est pas pratique pour draguer. Il faut donc freiner en évitant de se ramasser. Et ce breton, qu'est-ce qu'il était con. Alors, on voudra faire... Et ce breton, qu'est-ce qu'il était con. Puisqu'on est obligé d'avoir un fa et un do, c'est... Oui, on est obligé d'intégrer. C'est prévu. Tout à fait. Voilà. Ça vous dérange pas, vous, la guitare désaccordée? Non, personnellement, je n'ai aucune oreille musicale. Alors on continue avec une guitare désaccordée. Formidable. Je suis plutôt maracas. Ah. Et ce breton, qu'est-ce qu'il était con. Donc, faut les accords. Je vous montre les accords. Comme ça, vous mettez la mélodie des paroles sur les accords. Vas-y, maracas. J'essaie de suivre, mais c'est c'est pas régulier. Oula, elle va crescendo, elle redé. Oh là là. Excuse-nous de pas être de grands musiciens, quoi. C'est clair. Si je suis un bon. Tu me l'aurais dit, je me serais préparé. Stage intensif de maracas avec Leslie. Que la belle ce soir. Un moment. Pour dire où on change d'accord. Comment? Je vais couper un moment pour te dire où on change d'accord. D'accord. Il faut que je chante là. Ouais. Okay. Le téléphone sonne. En tout cas, soir. Merci à la personne qui essaie de nous appeler. Allez, allons-y. Pédaler sans s'arrêter, c'est pas pratique pour draguer. Il faut donc freiner en essayant de se ramasser, en évitant de se ramasser. Et ce breton, qu'est-ce qu'il était con. Voilà, et donc ce breton, qu'est-ce qu'il était con. Et après, on repart sur les célibes en vélib. Alors, et ce breton, qu'est-ce qu'il était con. Pour faire la fin, sinon on reste dans le vide. Qu'est-ce qu'il était con. Qu'est-ce qu'il était con. On était dans le guidon. Était con. Qu'est-ce qu'il était con. Ah là là. Bon, allez, c'est parti. Il se fait gauler par les flics, la tête dans le guidon. Formidable. Ah bah voilà. Pas mal. Bah ouais. Pas mal du tout. Elle a trop d'inspiration, Charlotte. C'était quoi ta phrase? Il s'est fait gauler par les flics, la tête dans le guidon. Ouais. Ouais, finalement, c'est nul. À réécouter une seconde fois. Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas réécouter les chansons. Ça va pas être facile pour le refrain, je sens. Justement, plus c'est difficile, mieux c'est. En plus, le stylo ne marche pas. Ouh. Alors, un stylo publicitaire réserve naturelle. Pour ne pas faire de publicité. Voilà. Il y en a un à côté de ta casquette. Oui, t'as ton stylo. Ah oui, merde. C'est qui au téléphone? Et le piano flûte. Hein? Et le piano flûte. Va falloir utiliser ce piano flûte. Mais oui, mais. Ah. Il dit quoi ce monsieur? Ah. Putain, on a trop de monde aujourd'hui, c'est dingue. Et il s'est pas présenté? Présentez-vous s'il vous plaît, monsieur. Mais non, mais on les entend et après. Justement, parler. Mais eux ne nous entendent pas. Donc c'est pas grave, non, on l'a dit, on est désolé, tant pis, merci beaucoup, vous êtes vraiment d'adorables auditeurs. Ça veut dire que d'habitude on nous écoute. Waouh. Le standard va exploser. Mais Leslie a appelé toute sa famille. Alors. Avec quoi. Ah, c'était ton cousin, après oui, voilà, ta tante, et d'accord. Mais ma grand-mère vient d'appeler. D'accord. Ça va, un rythme comme ça de base, un peu. Ouais, parfait. Pédaler sans s'arrêter, c'est pas pratique pour draguer. Faut donc freiner, en évitant de se ramasser. Et ce breton, qu'est-ce qu'il était con. Il s'est fait gauler la tête dans le guidon. Ah bah voilà, ça avance. On a plus qu'un quart d'heure. Chouette. Donc, pendant que vous réfléchissez, j'accorde un peu mieux pour qu'on finisse pas en beauté, harmonie. Mais Ouais. Comme quoi, c'est faisable d'écrire une chanson en 3 quarts d'heure sur des post-it. Et, écoute, les chansons. C'était très intéressant. Quand t'es inspiré, elle te vient. Normalement, elle te vient en 5 minutes. Après, c'est bâclé, c'est bouclé. Bouclé. Ah, 5 minutes, c'est bouclé. Le lapsus là, il est un peu. Bâclé, bouclé. On peut en faire une rime. Pour la prochaine chanson, garde-la. Allez, dans le thème vélo, vélib. Qu'est-ce qu'il y a? Un mot clé qu'on fasse rimer. Dring dring. Oui, c'est vrai qu'on entend bien sincèrement. On dit c'est la sonnette qu'elle voulait parler là. C'est pas grave, Landry. La mort d'un présentateur ce soir. Mais c'était, c'est, oui, bah oui. Mm-hmm. Oui, je cache pas, oui. Oui, c'est vrai. Donc mot clé sonnette. Sonnette. Sonnette. Sonnette. Sonnette, bicyclette. Bah oui, il faut bien attirer l'attention. Pas que n'est-ce pas? Chansonnette. Oui, on peut le mettre à la fin. Elle veut rien dire cette chansonnette. Voilà. Non, mais sonnette. Ça passe bien dans le casque là, on nous entend comme il faut. Là. Comme il faut, ça va. Tu vois, sonnette, bicyclette. Donc tu repères quelqu'un, un coup de sonnette et elle se casse la gueule de bicyclette. Formidable. Mais c'est libre, on est libre. Voilà, vas-y. Ah non, mais là, il faut mettre en phrase, tu vois. Après, ouais, faut le. J'ai jamais réussi à l'accorder. C'est alors, bien. Allez-y, il y a les mots maintenant, mais faites une phrase. Faites une phrase. Tout à fait. Donc, on a dit. Et on reste sur le breton ou pas alors? Oh, mais le breton, je ne sais pas. Breton, il cherche. Il a la tête dans le guidon, à la limite, la sonnette, elle est sur le guidon. On peut essayer de trouver un petit truc. Ah oui. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas entendu. Je disais que le breton avait la tête dans le guidon. Oui. Et que la sonnette est aussi sur le guidon. Tout à fait. On peut faire un jeu de mots. Il y a rayon aussi. Rayon? Oui, rayon de la bicyclette. Oui. Oui. D'accord, c'est comme si j'avais rien dit. Moi je vois pas personne. Mais je vois pas quoi faire avec rayon. Rayon. Ah là là. Rappelez-nous. Non, arrête, ils appellent après, ça fonctionne pas. J'aurais eu beaucoup de blancs, hein. Oui. Ouais. Ouais. Michel Stenner aurait été là, il aurait dit oh, deux petits blancs. Très bonne blague. Un petit rouge. Désolée. Non, c'était un souvenir. C'était un souvenir du bon vieux temps. Oui. D'ailleurs, Michel sera là l'an prochain. Enfin, je dis ça. Mais si Radio Mon Pays nous accepte encore. Il sera là le 26 aussi. Il sera là le 26? Oui. Alors, le 26 juin. Non, il sera pas là. Aussi? Mais non, il n'y a pas d'émission le 26. C'est pas un samedi, c'est pas un vendredi le 26. C'est un 18 ou un 20. Le 20 juin. Bon, en juin. Et il ne nous reste que 10 minutes. En juin, il y aura Michel Stenner. Donc, un successeur aussi. Bicyclette, chansonnette. C'est bien, j'ai trouvé la fin des phrases. C'est sûr. Oui. Je disais, tu vois quelqu'un, un coup de boum, ça suffit. Il y a trop de gens qui appellent. Il faut arrêter d'appeler, on l'a déjà dit. Ah, mais je comprends maintenant. C'est monté à l'envers. C'est n'importe quoi. Voilà, c'est à peu près accordé. Super. Mais on est toujours à court de parole. Pardon ? On est toujours à court de parole. Ah, pardon. Donc je disais sonnette, bicyclette, sonnette, chansonnette. Bicyclette, tu vois quelqu'un un coup de sonnette, elle se casse la gueule de bicyclette. Qu'est-ce qu'elle était con, cette chansonnette. Super, passionnant. Oui, mais pour que ça rime, il faut qu'il y ait sonnette, des paires de verres. Sonnette, bicyclette. Ce serait bien qu'il y ait des paires de verres. Et il y a que 3 hêtes. Des paires de verres. Il faut un quatrième hête. Hêtes. T'as dit bicyclette, chansonnette, bicyclette. Bicyclette deux fois. Sonnette, chansonnette. Ah, il y a deux fois bicyclette, sonnette, c'est lourd. Non, sonnette, bicyclette, chansonnette. Il n'y a pas deux fois bicyclette, c'est toi qui dis deux fois bicyclette. Ouais. Oui. En nous mettant sonnette. Donc ça fait que 3. Voilà. Oui, donc c'est ce que je dis. Perpète. Ah oui, parce qu'il s'est fait choper par les flics. Et oui, il a pris perpète. Il a pris. Il a pris la nuit, c'est sûr. Enfin, le reste, ce qui restait de la nuit. En plus, il avait bu comme un taré et tout. Il s'est retrouvé brigade anticriminelle. Ça pour un vélib. Et alors, ils l'ont embarqué, hein, ils ont mis le vélo dans le coffre. Ils ont, ah, ils ont bien, pris le vélo. Bah oui, ils l'ont pas mis, laissé au milieu de la route, là. Rue Saint-Denis. En fait, ce n'était pas la bague, c'était une voiture du Tour de France, n'est-ce pas? Et faut se bouger là. Faut se bouger. Oh, j'ai fait mon boulot, moi. Terminé la chanson. Moi je chante, je peux pas. C'est vrai. Je peux pas tout faire. Moi j'ai trouvé le thème. C'était mon thème. Non. Je me rappelle très bien quand ça s'est passé. Parce qu'il faut savoir qu'on a beaucoup travaillé sur le choix des thèmes quand même. Bravo. Bravo. Et. Rien. C'est intéressant comme remarque. Non, mais c'était c'était l'humour raté comme d'habitude, tu sais. Je sais. Vas-y, Landry, fais-nous une belle phrase avec sonnette ou bicyclette. Mais ou il faudrait que j'aie les paroles devant les yeux. Tiens. Sous les yeux. Vous voulez, mais près des yeux, quoi, que je puisse lire. Pédaler sans s'arrêter, c'est pas pratique pour draguer. Il faut donc freiner. En évitant de se ramasser. Et ce breton, qu'est-ce qu'il était con. Il s'est fait gauler. Ça sert à quoi ? Rien. Il s'est fait gauler. La tête dans le guidon. L'heure va se terminer. Mais pas, mais pas cette chanson. Pas mal. Bien vu la tortue. Voilà. Il reste 10 minutes, on va pas la boucler en 3 secondes là. Bah non, 10 minutes. Pas 3 secondes. C'est ce que je dis, il reste 10 minutes, on va pas la boucler en 3 secondes. Oui, mais non. Parce que là, si on boucle avec ce que je viens de dire, c'est pas la peine. Donc il faut trouver d'autres paroles avant ça. Il nous reste 10 minutes, on va pas la boucler en 10 minutes. Voilà. C'est logique ça. De toute façon. Oui. Il nous reste 3 secondes. Il nous reste 10 minutes. Il nous reste 10 minutes. On va pas la boucler en 3 secondes, c'est ridicule, faut profiter de ces 10 minutes. Bah oui. Donc c'est quoi votre problème? Tu n'avais pas complété ta phrase. Mais bref. C'était bien clair, c'était logique. Non ? Non, moi j'avais pas compris ça en fait. Ça commence bien. Tout ça pour dire voilà. Quoi en fait ? Tout bon. Ça pour dire. Vas-y, redis. Ah, tout ça pour dire que. On peut pas vous transférer, mais vous pouvez téléphoner. Donner. Si vous nous entendez pas, parce que nous on vous entend, vous téléphonez au 05 62 27 23 23. On vous prévient, il y a un problème, je sais pas pourquoi, moi je vous entendais pas. Voilà. Non, c'est, donc, c'est eux qui ne nous entendaient pas. Oui, eux, vous ne m'entendiez pas, mais moi, je vous entendais. En fait. Donc, vous pouvez laisser des messages comme si c'était un répondeur. Mais ça n'est pas. Hein. Et ensuite, il nous transmet votre message par l'oreillette. On n'a qu'à dire qu'on a les oreillettes. C'est le FBI. Et voilà, avec votre prénom, voilà. Mais moi, j'entendrai Alexandre, c'est oui, ça, oui. Dans le casque. Voilà. Ça sonne ? Oh, c'est trop bon ça. Merci auditeur. Donc voilà, Alexandre décroche. On vous aime. Il prend votre message. En espérant qu'il vous entende, mais on a du mal à transférer, on ne sait pas vraiment pourquoi. Bonsoir l'invocation de musique. Non, en fait c'est nous qui n'attendons rien. N'entendons rien. Non, le monsieur n'a rien dit. C'est ça ? Non, rien. Bon, il y a des soucis. Et on évite les blancs. Allez l'équipe là. Et donc de quoi ça va parler la semaine prochaine alors pour. Pardon ? Ça va parler de quelque chose la semaine prochaine ? La semaine prochaine, oui. Chouette. Il y aura un invité ? Oui, oui. Et non ? C'est un quiz. Si vous voulez, vous êtes les bienvenus. Ben moi, je t'avais dit que c'était bon pour la fin. Alors c'est bon. Eh ben t'es là la semaine prochaine. Et toi, Lys ? Sûrement aussi, oui. Super. Et toi, Charlotte ? Je vais voir ça. D'accord. Après le débriefing de cette soirée catastrophique. Ouais, tu m'étonnes. Faudra surtout pas se réécouter. Ah si ! Le 1er septembre 2008, il faudra mettre des gilets fluo sur les vélos. Donc merci pour cette information. Écris-le. Ça, c'est de la parole. Ah, mais je crois pas que c'était une parole, en fait. Ah, c'était un message d'un... C'était une info. C'était une info de l'auditeur. Non, c'est des paroles, c'est des paroles. Ah, c'est mais bien, merci paroles. L'auditeur, on va s'en servir pour notre chanson. Non, c'était une parole. C'était des paroles. Non, c'était une information. C'est quelqu'un qui a appelé pour nous dire ça. Ça ne rime pas. Merci. Ça ne rime pas. On va faire rimer. Il nous reste 5 minutes. On va faire rimer. On va se débrouiller. Alors, pédaler sans s'arrêter. C'est pas pratique. Regarde, il est occupé, Ulysse, tu vas chanter. Oh non. De ta petite voix fluette. Allez. Non. Regarde, tu parles, tu peux chanter. Oui, mais c'est pas pareil. Ou alors parle en chantant, ou chante en parlant. Voilà. D'accord, mais si Charlotte chante avec moi. Charlotte est partie. Charlotte part toujours 10 minutes avant la fin, en fait. Elle nous a laissé sa petite voix et... Oui. Allez. Non. Ulysse, viens avec moi chanter là. Vas-y, moi je connais les paroles, sûr. D'accord, ok. Vas-y. Pédaler. Non, mais si tu veux, je commence la phrase et tu finis la phrase. Ah ouais, un duo, c'est très formidable. Pédaler. Sans s'arrêter. On a du public. C'est pas pratique. Viens, viens, venez voir. Viens, faut... venez voir. Non, non, il a tout coupé là. C'est un scandale. Oh là là. Pardon. Non, on reprend. Un, chef d'orchestre. Deux, trois. Ah, j'aurais dit de venir, mais. Attends, tu fais les maracas. Ah. On a besoin de chanteurs et de musiciens. Pédaler. Entrez, entrez. Bonsoir. On a besoin de chanteurs. Ça tient bien ici. Oui. On a besoin de chanteurs et de musiciens. C'est vrai? Oui. Oui. Pourquoi? Vous êtes volontaire maintenant là. Oui. Ouais, bien, bien, ouais, bien, bien. Allez, donc, entrez, voici les paroles. Alors. Attends. On entend trop les maracas en fait et pas nous. On s'en fout. C'est d'aller. D'accord. Je crois qu'on est bon là au niveau des paroles. Bah, on reprend, d'accord. C'est d'aller. Sans s'arrêter. C'est pas pratique. Pour draguer. Il faut. Ah, pardon. Il faut freiner. En essayant. De pas se ramasser. Et ce breton. Attends. Qu'est-ce qu'il était con. Il faut. Il a failli se faire gauler. Il a failli se faire gauler. Non, la il s'est fait dans gauler. Dans le guidon. D'accord. D'accord. Ok. Après. Et le refrain, c'est laisser libre, en libre. D'accord. Laisser libre. En libre. C'est pas très recherché, mais bon. Non, mais essayez de faire mieux en une heure, quoi. C'est possible. C'est, franchement. Il y a des gens qui sont compétents. Mais peut-être on n'a pas choisi le bon sujet, en fait, après réflexion. Bon, on recommencera la semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine. On fait de la musique ce soir, en avant-première. Voilà, c'est ça. Oui, ah oui, oui. Ah oui, oui, on, oui, un mois d'avance. La impro. Attends, on s'entraîne en... pour le 20 juin en fait. Voilà. Nous ferons une autre chanson en direct. Allez, allez. Ce sera beaucoup mieux. Tout à l'heure c'était bien. D'accord. Allez. Alors. Mais on refait un duo ou on chante ensemble, en fait, ensemble, je vais chanter ensemble. Vas-y, commence. Je vais faire comme ça les accords. Chante avec nous. Pédaler. Et sans s'arrêter. C'est pas facile pour draguer. Et suivez un minimum les accords. Oh là là, attends, je suis ni chanteuse, ni déjà que je suis vraiment un truc de base à la con. Déjà qu'il faut chanter en même temps. Non mais vous, monsieur, allez, vous chantez pas, c'est pas bien. 1, 2, 3. Non mais tu fais 1, 2, 3, mais ça n'a rien à voir avec le rythme. Même si c'est pas un rythme parfait mais que je fais. Mais j'ai pas l'oreille musicale, alors tu me fais le 1, 2, 3, sur... Voilà, fais-nous le décompte. 1, 2, 3. Pédaler sans s'arrêter. Non, non, excuse-moi. 1, 2, 3. Si, c'était bon. 1, 2, 3. Pédaler sans s'arrêter, c'est pas facile pour draguer. Voilà. Il faut donc freiner. Je me souviens plus des paroles. Moi. On reprend ou on continue? Chante, Landry, tu vois qu'il y a tellement le sens du rythme. Non, mais je veux voir comment ça fait en fait. D'accord. Pédaler sans s'arrêter, c'est pas pratique pour draguer. Il faut donc freiner. En évitant, en de, évitant de se ramasser. Et ce breton, qu'est-ce qu'il était con. Tadalalala, gauler la tête. Dans les guitons. Voilà. Chanter très faux, mais c'est trop grave pour moi. Voilà à peu près ce que ça donne. Donc... Allez, allez, allez, 2 minutes, faut la faire là. On l'a fait, et après ça passe la graisse en musique, mettre leur intro, tout ça. Donc ouais, le single sortira. Jamais. Le single sort l'an prochain. Avec de nouvelles paroles et de nouvelles musiques. Nouveaux chanteurs. Allez, comme tout à l'heure. Il y a tout qui change. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Et encore. Je fais, voilà, comme ça. Non, non. Pédaler sans s'arrêter, c'est pas pratique pour draguer. Il faut donc freiner, en évitant de se ramasser. Et ce breton... Qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce con, qu'il était con. Il s'est fait gauler la tête dans le guidon. Laissez-le en vélib. À partir du 1er septembre 2008, mettez votre veste jaune fluo en vélib. Oh là là là là. C'était beau. C'était une belle chanson, je trouve. Tout à fait. Pour une première... Et non, c'est pas si mal que voilà ça. Pourquoi il pleut maintenant. Bon, on va dire qu'on s'est amusé. Les auditeurs, je sais pas. Mais nous, ouais. Ouais, on s'est bien amusé. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Oh, mais ouais. On n'a pas joué de la flûte. Donc, la Grèce. Mais là. C'est vrai que. Bon. Si, un petit finish en flûte piano, peut-être. Allez, ok. Donc, vous retrouvez la Grèce à musique. Nous, on se dit au revoir avec flûte piano. Au revoir. C'est pardon. C'est scandaleux. Vas-y, vas-y, vas-y. C'était donc notre requiem. Tout le monde a éteint sa radio. Non, non, mais continue, il faut terminer avec ça. Ah oui. Oui, c'est le générique de fin maintenant, là. Et ça, jusqu'à la fin 2009. Oh. C'est affreux. On dirait un film à suspense. Tout à fait. On regarde ton souvenir, ça. Oh bah oui. Tiens, le post-it. D'accord. Non, c'est bon. Ok, j'arrête. On entend le générique, c'est bon. Donc, au revoir. Honey, it's your turn. There's a lesson you must learn. Wood that wet will never burn, never.